Quatrième chapitre. Les trois voyageurs se mirent en route, tous trois animés d'une joie égale. Madame Thouvenin fuyant devant l'ennui, Siegfried courant après la préhistoire, Emmanuel poursuivant son rêve. La route leur était connue jusqu'à Savenay, où ils changèrent de direction et prirent la ligne de Brest. Ils gagnèrent Questembert sans que rien de remarquable s'offrît à leur regard, sauf la grosse tour romane de Redon qu'on aperçoit sur la gauche, tout près de la voie ferrée. Datant du XIVe siècle, elle appartient aux temps historiques et ne semblait pas devoir attirer l'attention du précepteur. Il s'arracha pourtant à la somnolence qui commençait à l'envahir, pour l'examiner et dire à Emmanuel de la regarder, relevant pour l'instruction de son élève tous les détails d'architecture de ce singulier monument, le soubassement carré tapissé d'arcatures aveugles, les deux étages qui le surmontent avec leurs angles arrondis, leurs nombreuses baies ornées de colonnettes et la flèche à crochets qui s'élance au-dessus. Pour dire quelque chose et faire semblant de s'intéresser aux paroles du précepteur, Madame Thouvenin demanda ce que c'était que cette tour. Elle apprit avec une indifférence mal déguisée que cette tour est celle d'une église dédiée au Saint-Sauveur et classée parmi les monuments historiques. Elle remercia dans un bâillement et, se renversant sur les coussins, reprit son ennui là où elle l'avait laissé. À partir de Questembert, où ils prirent la direction de Ploërmel, Siegfried et son élève commencèrent à s'agiter comme des gens qui cherchent quelque chose et ne trouvent rien. Le précepteur feuilletait son guide, consultait sa carte, regardait par la portière, feuilletait de nouveau, relisait, jetait encore un coup d'œil au dehors, revenait à sa carte en grommelant « c'est singulier ». Quant à Emmanuel, il ne cessait d'aller d'un bout à l'autre du wagon pour regarder la campagne et de quelque côté qu'il considéra les alentours, il ne voyait rien qu'un pays boisé. Ce que Siegfried s'étonnait de ne point apercevoir, ce qu'Emmanuel cherchait, c'était la lande de Lanvaux. Il la traversait cependant, mais combien elle était différente des descriptions qu'on leur en avait faites. Tout change avec le temps, même les landes de Bretagne, aujourd'hui morcelées, découpées en pièces, parfois fort petites, entourées de talus sur lesquels poussent ces haies d'arbres qui donnent au pays l'aspect boisé dont Emmanuel était surpris. Malgré les difficultés du défrichement dans ce sol rocheux, la majeure partie de ces petits champs sont cultivés. Le froment, l'orge et l'avoine ont remplacé le genêt et les ajoncs à la sombre verdure. Comme les deux chercheurs de landes avaient l'esprit sérieux et le cœur plein de générosité, ils se réjouirent de ce progrès, car si le pays a perdu de son charme romantique, l'aisance des habitants a augmenté. Ils étaient alors complètement réveillés et fouillaient leurs souvenirs touchant la grande lande. Emmanuel disait le combat des chouans et des bleus. Siegfried parlait des dolmens, des lecs, des menhirs, épars dans le haut Brambien. Il décrivait avec autant de certitude que s'il les avait déjà vus, la butte de Trewet, ces trois pierres à bassin entourées de menhirs rangés en lignes parallèles, et la butte du Bretin, qui porte seulement une pierre à bassin, mais dont les flancs sont couverts de menhirs, les uns disposés en ligne, qui s'écartent peu à peu, les autres formant des cercles concentriques, également espacés. Évidemment, ajoutait-il, c'était là des lieux consacrés. Les pierres à bassin servaient-elles aux cérémonies d'un culte cruel, ainsi qu'on l'a dit? Était-ce des rites funéraires qu'on célébrait en ces endroits? Il pensait prématuré de conclure, sauf pour les lecs qu'il considérait avec M. Rosenzweig comme des pierres funéraires tout à fait modernes, puisqu'elles remontent seulement au Moyen-Âge. Il était en train de répondre à Emmanuel que les lecs sont des pierres debout comme des menhirs, mais beaucoup plus petites, lorsque le train s'arrêta en gare de Ploërmel. Pendant que sa mère s'installait, sans enthousiasme, dans une assez jolie chambre dont la fenêtre à balcon, ornée de géraniums en fleurs, donnait sur la place de la cathédrale, Emmanuel obtint facilement que Siegfried l'accompagnât dans la ville. La propriétaire de l'hôtel les arrêta sur le seuil pour leur indiquer les maisons les plus remarquables et le chemin qu'ils devaient prendre pour y arriver, leur recommandant de ne point s'engager dans les rues de la ville avant d'avoir fait le tour de l'église et regardé en détail la façade latérale. Depuis qu'ils voyageaient ensemble, le précepteur était devenu moins gourmé, l'élève plus familier. Leurs entretiens prenaient parfois un ton de camaraderie que Madame Thouvenin tolérait sans l'approuver entièrement. Ce n'était pas encore le badinage aimable dont le petit garçon avait l'habitude avec Jacquette, mais c'était déjà un enjouement bien éloigné de la gravité primitive de Monsieur Siegfried. Quand ils couraient ainsi seuls tous les deux, Emmanuel se laissait aller à l'oubli des convenances, au point de taquiner le jeune homme en lui posant de ces questions que les écoliers appellent des cols. Et il riait d'aussi bon cœur, de meilleur cœur même, lorsqu'il ne réussissait pas à coller Siegfried que lorsqu'il y parvenait. « Savez-vous ce que signifie Ploërmel ?» lui demanda-t-il brusquement en le lorgnant en dessous d'un air malin, comme s'il se fût attendu à une réponse négative qui lui aurait permis de triompher et de dire « Je le sais, moi ». Mais Siegfried ne l'ignorait pas. Il dit donc que Ploërmel, ou plutôt Plouharmel, signifie « village d'Armel ». « Et qui était cet Armel ?» interrogea Emmanuel. « Un anachorète qui s'était retiré en ce lieu vers le VIe siècle. »« Aussi savant là-dessus qu'un breton ?» s'écria joyeusement le petit garçon. « Maman a bien raison de dire que vous savez tout. » Le précepteur secoua la tête avec tristesse, comme si le compliment exagéré lui eût mieux fait voir le néant de la science humaine. Il marcha quelque temps en silence, puis, passant la main sur son front, comme pour écarter une idée importune, il reprit sa bonne humeur et mit l'entretien sur le rôle historique de Ploërmel. Ce fut celui de beaucoup d'autres villes, prises, reprises, ballottées d'un parti à l'autre, au hasard des victoires et des défaites. Trois dates le résument, 1240, publication de l'arrêt qui chassait les Juifs de la Bretagne, 1346, prise de la ville par Édouard III d'Angleterre, qui en confia le commandement au capitaine Richard Bembarrow, celui que les chroniqueurs et les poètes appellent Bembro, 1487, prise de Ploërmel par l'armée de Charles VIII, qui l'incendia. Elle fut restaurée par le duc François, père de la duchesse Anne, qui devint plus tard la femme de ce même Charles VIII, puis de son successeur, Louis XII. Elle conserve encore une partie de ses murs, ses douves et une tour. Tout en devisant, les deux promeneurs avaient vu toutes les curiosités de la ville, en même temps qu'ils s'étaient mis en état de guider Madame Thouvenin le lendemain matin, de manière à lui épargner la fatigue et l'ennui. Ils la conduisirent devant la maison où descendit Jacques II d'Angleterre, une maison tout en pierre ornée d'assez jolies sculptures, puis devant celle qu'on appelle l'hôtel du duc de Mercœur. Parisienne jusqu'au bout des ongles, accoutumée à la contemplation des choses d'art, Madame Thouvenin sortit vite de son indifférence ennuyée devant cette curieuse demeure. La frise de chêne ornée d'oves feuillées, les fenêtres à meneaux, les quatre montants de la façade auxquels s'appuient quatre statues de demi-grandeur, attirèrent successivement son attention. Sans la date, 1545, taillée dans une des poutres, sans le pourpoint à longue taille et le petit toquet d'un des personnages qui se dresse aux deux angles de la maison et de chaque côté de la porte, elle aurait cru cette maison plus ancienne à cause du caractère des sculptures. Elle admira les riches verrières de Saint-Armel, la façade principale et surtout la façade latérale avec ses contreforts saillants fouillés et refouillés, couverts d'images sacrées mêlées à des scènes grotesques, la truie qui joue de la cornemuse, le savetier qui coule la bouche de sa femme et d'autres encore tirés sans doute de récits dus à la verve ironique des Marveiller Guenedis. Conteurs sceptiques particuliers au pays de Vannes, les autres, des pays de Tréguier, de Léon et de Cornouailles, sont appelés Discrévelaire. Il n'était guère probable qu'il sût tout ce bon Siegfried, mais qu'il savait de choses. Ne se mit-il pas à parler d'architecture devant cette façade latérale de Saint-Armel? Il fit remarquer le mélange des styles, la grande arcade en plein cintre qui enveloppe les deux portes en arc Tudor et les fenêtres à riches meneaux flamboyants. Ah, il fallait l'entendre. Les gens de Ploermel qui s'arrêtaient en passant pour voir les messieurs en restaient les bras ballants et la bouche bée. Siegfried allait toujours, passant avec aisance de la vieille architecture byzantine au style roman et de celui-ci au style ogival. Une encyclopédie, ce jeune homme. On l'avait ouvert à l'article « architecture » et il ne pouvait plus se refermer. Il divisait, subdivisait, indiquait des caractères généraux accompagnés de beaucoup de caractères particuliers, disait des dates, décrivait des monuments. « Le Byzantin, disait-il, peut être divisé en trois périodes, depuis Constantin jusqu'à la chute de l'Empire d'Orient. Bien que chacune de ces périodes ait son style déterminé, on peut cependant dire que le style byzantin est surtout caractérisé par l'épaisseur des murs, décorés intérieurement de riches mosaïques, par la forme des fenêtres, longues, étroites, en plein cintre, géminées à partir d'une certaine époque. » Par les portes rectangulaires surmontées d'arcs en décharge ou simplement en plein cintre, des chapiteaux en forme de cube amincis par le bas et décorés de feuillages divers, surtout par des coupoles. Des arcs en décharge. Il savait que ce sont des arcs construits au-dessus d'un linteau et il n'était pas architecte. Il ne pouvait naturellement pas éviter de parler de Sainte Sophie, aujourd'hui changée en mosquée, et il en parla, ce qui l'amena à dire aussi quelques mots de l'église Vassili Blagueney de Moscou, avec ses 17 coupoles qui diffèrent toutes, tant de dimensions que de formes et de couleurs. Il ajouta qu'elle appartient à la dernière période de l'architecture byzantine, celle des dômes en bulbe copiés sur ceux des mosquées d'Égypte, de Perse et des Indes. Tout cela ne semblait pas se rattacher exactement à Saint-Armel, bien que le dit Saint-Armel fût à la fois la cause et le but de ce discours, mais jamais Siegfried n'aurait tenté d'expliquer un point quelconque d'une science, sans en exposer d'abord les premiers principes. Il fallait donc lui savoir gré, en matière d'architecture, de n'être point remonté au-delà des premiers siècles du christianisme. Madame Thouvenin fit une oblique vers le côté droit de la cathédrale. Siegfried la suivit, déclarant qu'il n'y avait que peu de choses à dire des vieilles basiliques romaines et qu'il n'en dirait rien du tout. Il passa donc un continent au style roman, auquel appartiennent les églises construites en France et en Italie du 5e au 12e siècle. Sans doute que, dans ce laps de temps, le style roman se modifia profondément. À partir du 11e siècle, l'influence byzantine s'y fait sentir, les voûtes deviennent moins rares, la prédominance des surfaces rectangulaires est moins grande, les colonnes ne sont plus toutes cylindriques, on en voit de polygonales. Parfois même, les piliers sont formés d'un assemblage de colonnes isolées ou engagées. L'arcade est en plein cintre ou surélevée. Les clochers apparaissent souvent surmontés de hautes flèches pyramidales. Et souvent aussi, l'église est précédée d'un porche dont les jambages sont ornés de colonnettes. Les fenêtres, sans élégance, sont quelquefois disposées deux par deux, trois par trois, et surmontées d'un arc dont la retombée est soutenue par des colonnettes. Est-ce que Saint-Armel est une église romane ? Interrogea Madame Thouvenin, probablement sans autre intention que d'endiguer le flot de science, car elle se dirigea en même temps vers le côté de la place sur lequel s'ouvrait l'autel. Non, madame, répondit innocemment Siegfried, mais j'arriverai tout à l'heure à Saint-Armel. Veuillez avoir la bonté de m'accorder encore un instant. J'ai dit tout à l'heure que, dans le roman byzantin, l'arc est parfois surélevé. Nous allons le voir s'élancer comme emporté en un mouvement vers le ciel, se rétrécir, se briser, pour former un angle à son sommet, en un mot, devenir l'ogive. Depuis la dernière moitié du XIIe siècle jusqu'au milieu du XVe siècle, c'est le style ogival ou, comme on l'a appelé à tort, le style gothique qui fleurit. Avant d'aller plus loin, le précepteur éprouva le besoin de démontrer que les Goths n'ont pas inventé l'ogive. Puis il revint à son cours d'architecture pour faire voir en quoi diffère le gothique à lancette qui est celui de Notre-Dame de Paris, le gothique rayonnant qui a produit la cathédrale de Strasbourg et celle de Cologne, et le gothique flamboyant qui, à Saint-Armel, se combine avec le style ogival Tudor. Dans le premier, on rencontre encore quelquefois des piliers cylindriques, mais le plus souvent, ce sont des colonnes rondes auxquelles sont accolées de petites colonnettes munies de bases et de chapiteaux entourés de feuillages. La décoration, bien qu'encore sobre, a augmenté, elle est très diverse. Les trèfles, les rosaces, les violettes, les rinceaux se mêlent et les crosses commencent à se montrer. Les roses qui surmontent les portes sont découpées de contre-lobes et présentent des colonnettes disposées comme les raies d'une roue. L'ogive est étroite, allongée, les toits sont fort aigus et les contreforts apparaissent. « Et Saint-Armel, monsieur ?»« J'y suis dans un instant, madame. Quelques mots du gothique rayonnant seulement. »« Dites, dites !» fit Emmanuel. « Moi, je trouve cela intéressant. » C'est l'apogée du gothique toujours grandiose et sévère. Il a acquis toute l'élégance dont il est susceptible. L'ogive équilatérale remplace l'ogive à lancette. Les fenêtres et les portes sont plus larges et plus ornées. Les roses prennent des dimensions extraordinaires. Leur réseau offre la plus grande variété. Les piliers semblent des faisceaux de colonnes dont chacune a son socle et son chapiteau. Les nervures des voûtes sont plus légères. Au-dessus des ouvertures se dessinent d'élégants frontons dont le tympan est orné de trèfles et les rampants sont garnis de crosses étagées qui s'épanouissent au sommet en bouquets. Sur les contreforts s'élancent de sveltes pinacles couronnés aussi d'un bouquet. Le désir de faire mieux, ou tout au moins de faire autre, finit par conduire le style ogival vers la décadence. Cette décadence se produisit à la fois en Allemagne, en France et en Angleterre. Elle donna naissance au gothique flamboyant et au gothique fleuri ou style Tudor. Le premier est surtout caractérisé par l'absence de chapiteaux, par la multiplicité des ornements, le lacis de nervures qui couvre les voûtes, les lignes sinueuses du réseau des roses et des fenêtres, qui forment des figures comparables à des flammes ondoyantes, la fréquence de l'ogive obtuse et les pignons à tympans ajourés qui surmontent les ouvertures, ainsi que nous le voyons ici, fit-il en montrant une des fenêtres de l'église. Dans le style fleuri, la décoration est devenue exubérante. Non seulement les voûtes sont couvertes d'entrelacements de nervures très compliquées, mais souvent ils s'en détachent des clés pendantes, plus ou moins ornées. L'ogive s'affaisse. Les arcs accolés et l'arc Tudor, dont nous avons un exemple sur la façade latérale de Saint-Armel, sont les plus employés. « Pourquoi le nom de Tudor donné à cet arc ?» demanda Emmanuel. « Parce que le gothique fleuri fut surtout en vogue en Angleterre, du XVe au XVIe siècle. J'ai fini. » conclut le précepteur en se tournant vers Madame Thouvenin. « Si j'ai été un peu long, vous voudrez bien m'excuser en faveur du motif. La Bretagne est un pays de foi. On y rencontre de nombreuses églises. J'ai pensé qu'Emmanuel les visiterait avec plus d'intérêt lorsqu'il pourrait leur assigner en quelque sorte une date. Certainement. Rentrons. Je crois qu'il est l'heure de déjeuner. Il fallait que la conférence de Siegfried lui eût paru terriblement longue, car il était à peine 10 heures. Elle rentra néanmoins pour s'informer du moyen de trouver d'autres distractions. Des distractions ? Il n'en manquait pas, pourvu toutefois que madame prît une voiture. Les environs de Ploermel fourmillent de choses curieuses. Par exemple, on pouvait aller à la forêt de Pimpon, la mystérieuse forêt de Brocéliande, dans laquelle vécurent l'enchanteur Merlin et la fée Viviane, ou bien encore à Josselin, situé à 12 kilomètres. Ce n'était pas loin, et un joli pays accidenté et boisé à traverser. En passant, on s'arrêterait pour voir la pyramide élevée en remplacement de la croix qui avait elle-même remplacé le chêne de mi-voie auprès duquel avait eu lieu le célèbre combat des 30. Madame fit une petite moue. La pyramide ne la tentait pas. « Boitons sans, beau manoir !» s'écria Emmanuel, et il entonna un passage du Guerz connu. Depuis le petit point du jour, ils combattirent jusqu'à midi, depuis midi jusqu'à la nuit, ils combattirent les Anglais. Et le seigneur Robert de Beaumanoir cria « J'ai soif, oh, j'ai grand soif !» Lorsque Dubois lui lança ces mots « Si tu as soif, ami, bois ton sang !» Et Robert, quand il l'entendit, détourna la face de honte, et il tomba sur les Anglais et il en tua 5. Il n'eût pas été l'ami des Bretons, celui qui n'eût pas applaudi dans la ville de Josselin en voyant revenir les nôtres, des fleurs de genêt à leur casque. La ville marquée, Barzaz-Braise. Il chantait cela en bas breton sur un air monotone, quoique énergique. Sa mère l'interrompit. Ce chant, c'était Jaquette qui le lui avait appris sans doute, et dans le langage des paysans encore. Madame Thouvenin questionna la maîtresse d'hôtel sur Josselin. Qu'y avait-il d'intéressant à Josselin ? Tout, la vallée verdoyante de l'Oust sur la rive droite duquel la ville est bâtie, les vieilles maisons, Notre-Dame du Roncier qui renferme le tombeau d'Olivier de Clisson et de sa femme Marguerite de Rohan, et le château appartenant au prince de Léon qui autorise à visiter. Madame Thouvenin estimait qu'il était moins fatigant d'acheter la photographie des monuments que de les visiter. De plus, les 10 monuments gagnaient toujours à ce procédé, la photographie les avantageant autant qu'elle défigure les jolies femmes. Elle n'osa pas exprimer tout haut cette opinion qui aurait sans doute paru paradoxale. Elle demanda languissamment « Le château vaut-il vraiment la peine qu'on se dérange ? Votre opinion, monsieur Siegfried ?» Siegfried ne pouvait émettre aucune opinion avant d'avoir consulté le livre écrit tout spécialement par Monsieur Johann pour guider l'admiration des voyageurs. Il se hâta donc de l'ouvrir et lut à haute voix la description du château de Josselin. « Très curieux, en effet !» murmura la dame, confirmée dans son idée photographique. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Elven, en s'y rendant, on peut visiter la maison trouée. » La maison trouée laissa Madame Thouvenin assez froide, mais Elven excita en elle une sympathie bientôt augmentée par la certitude de pouvoir y prendre le chemin de fer à une heure convenable pour aller coucher à Vannes. « C'est que Ploermel manque de gaieté, avoua la dame de l'hôtel. Le sous-préfet, un Parisien, demandait son changement depuis 5 ans et ne pouvait l'obtenir, personne ne voulant s'enterrer à sa place dans un pareil trou. Madame Thouvenin eut un sourire de compassion pour l'infortuné sous-préfet et s'informa de l'heure à laquelle la voiture serait prête. Tout de suite, on allait atteler pendant que madame déjeunerait. Madame déjeuna donc, et mieux qu'elle ne s'y attendait. On mange bien à Ploermel. Les hôteliers insistent moins que ceux du littoral sur le coquillage et la sardine. Quand madame sortit de table, elle trouva la voiture devant la porte et se mit en route avec son fils et le précepteur. On passa d'abord à la chapelle sous Ploermel, qui marque, dit-on, l'emplacement exact de l'ermitage d'Armel. Le cheval trottinait de cette allure berçante propre aux chevaux de louage dans tous les pays d'excursion. On ne sortait d'un des chemins creux ménagés entre les talus couverts de haies d'arbres que pour entrer dans un autre. De temps en temps, un paysan coiffé d'un petit chapeau orné d'un velours à bout flottant se montrait derrière un tronc d'arbre, suivant la voiture et les voyageurs du même regard que devaient avoir les chouans tapis sous les ajoncs pour épier les bleus. Le cocher avait fort à faire, sans cesse occupé à serrer ou à desserrer l'enrayage, selon qu'on montait ou qu'on descendait les nombreuses éminences de cette contrée vallonnée. Il profita d'un bout de route plate pour entamer la conversation. « Ces messieurs et dames veulent aller à la maison Trouée, tous les messieurs qui passent par ici y vont. » En Bretagne, comme en Savoie, les messieurs, ce sont les Français. On vous dit très bien qu'un groupe de touristes composé d'Anglais et de messieurs est parti la veille. Ces messieurs et dames s'inquiétèrent de ce qu'on appelait la maison Trouée et ne furent pas beaucoup plus avancés quand ils eurent entendu les explications confuses du cocher. Plus le temps passait, plus le brave homme devenait perplexe et plus il insistait pour savoir si l'on tenait absolument à aller à la maison Trouée. Il prononçait « Trouée ». Cela amusait beaucoup Emmanuel. Il finit par dire que c'était plutôt la maison perdue et rit de tout son cœur de cette enfantine saillie. Un coup d'œil sévère de sa mère apaisa vite son hilarité. « Tu feras bien de te défaire de cette habitude de faire de mauvais jeux de mots, » dit sèchement la jolie femme. « Rien n'est plus commun. » Le cocher, qui n'entendait pas malice, répondit avec politesse que la maison Trouée ne pouvait être perdue, mais que, pour dire la vérité, il n'y était jamais allé et n'était pas très sûr d'être dans le bon chemin. Un peu plus loin, il héla une paysanne qui gardait quelques vaches dans un bout de lande. Tous deux parlaient le vannetais. Les voyageurs ne comprirent pas un mot du colloque. Enfin, à l'issue d'un joli bois clair, le cocher déclara qu'on était sur le territoire de la ville au voyer, par conséquent pas bien loin de l'endroit qu'on cherchait. Si ces messieurs et dames voulaient descendre, la voiture ne pouvait pas aller plus loin. Quand on eut mis pied à terre, le cocher fit ranger son cheval au bord du chemin et attacha la bride à une branche d'arbre. « Vous laissez votre voiture comme cela, toute seule sur la route ?» interrogea Emmanuel. « Il n'y a pas de voleurs dans notre pays !» répondit fièrement le breton. Il se mit à marcher devant, toujours un peu inquiet, bien qu'il répétât de temps en temps « Nous y sommes !» Enfin, on arriva en vue d'un atelier de maréchal Ferrand. Nouveau colloque, d'abord avec un apprenti, puis avec deux ouvriers successivement, et avec le patron. « Connaissez-vous la maison Trouée ? Dis donc, la maison Trouée ! Oh oui, la maison Trouée !» Quand les maréchaux eurent suffisamment répété ces différentes questions, l'apprenti se détacha du groupe pour servir de guide aux touristes. On retourna de quelques 50 pas en arrière, sur le chemin par lequel on était arrivé, et, obliquant à droite, on se trouva bientôt dans un bouquet de bois au milieu duquel on vit un magnifique dolmen surmontant un tertre entouré d'un cercle assez irrégulier de pierres debout de petite dimension. Siegfried mesura la table du dolmen, les supports, et pénétra dans la cavité à laquelle ce monument doit son nom. « C'est la maison des Poulpiquets, » dit l'apprenti. « Des Poulpiquets ?» répéta Siegfried sur le mode interrogatif. « Oui, vous savez bien, des petits hommes qui étaient condamnés à vivre sur la terre jusqu'à ce qu'on leur eût dit la fin de leur chanson qu'ils avaient oubliée. » Madame Thouvenin fit remarquer que si l'on s'arrêtait trop longtemps, on risquerait de manquer le train à Elven, et elle quitta la maison Trouée d'un pas assez vif. Sa manœuvre fut inutile. Tout en cheminant, Emmanuel se fit conter par l'apprenti toute l'histoire du tailleur honnête homme auquel les Poulpiquets enlevèrent sa bosse pour leur avoir dit le second vers de leur chanson, du tailleur envieux et mauvaise langue auquel ils en firent don quand il demanda, en récompense du troisième vers, ce qu'avait laissé son confrère, pensant dire la richesse, et de leur délivrance finale, dont ils furent aussi reconnaissants qu'ils laissèrent leur trésor au gentil petit tailleur qui venait de terminer leur chanson. Ce qui contrariait le plus Madame Thouvenin, c'était de voir Siegfried attentif à ses niaiseries. On regagna la chapelle pour reprendre la route d'Elven. On traversa bientôt l'Oust pour arriver à Serent, où l'on entra dans la lande de Faveno. Siegfried eut beau regarder de tous ses yeux, il ne découvrit pas la moindre tombelle, bien qu'on en compte 90 dans cette lande. Après la lande de Faveno, celle de Lanvaux jusqu'à Saint-Guillaumard. Après Saint-Guillaumard, un bout de route monotone et l'on atteignit Elven. Pendant que la voiture suivait la rue tortueuse qui traverse le village d'un bout à l'autre, Madame Thouvenin considérait attentivement les maisons grises à portes surbaissées sans parvenir à leur trouver aucun cachet romantique ni à y voir, comme M. Octave Feuillet, une représentation saisissante de ce que pouvait être un bourg au Moyen-Âge. Mais ce n'est pas Elven qu'on visite, c'est sa tour, ou plutôt celle de l'Argouette, à 2 kilomètres au sud-ouest du village. On fait une partie du chemin à pied, à travers un bois dont les massifs et les éclaircies dérobent et découvrent tour à tour les ruines de la forteresse. Plusieurs fois, Siegfried, qui marchait en éclaireur, crut s'être égaré, mais bientôt la tour reparaissait à travers les bouleaux et les chênes. Construite vers la fin du XIIIe siècle par Odon de Malestroit, la forteresse de l'Argouette passa ensuite par alliance dans la maison de Rieu. Elle consiste en 2 tours, l'une de 20 mètres de haut environ, datant probablement du temps d'Odon de Malestroit, l'autre octogonale, haute de 40 mètres, reconstruite par le maréchal de Rieu en 1491. C'est celle-là qu'on visite. On monte par un escalier intérieur jusque sur la plateforme entourée de mâchicoulis sur laquelle s'élève un petit châtelet. Des persils sauvages croissent dans les fentes des pierres. D'en bas, leurs touffes sombres semblent des mousses ou des lichens. On ne manqua pas de faire pencher les visiteurs au-dessus d'étroites ouvertures superposées d'étage en étage et communiquant jusqu'aux caves par une sorte de conduit. On ne manqua pas non plus de leur apprendre que c'étaient là les oubliettes. « Les oubliettes !» s'écria Siegfried. « Ce sont plutôt... » La présence de Madame Thouvenin le rappelant à la correction, il substitua au mot moderne qu'il allait prononcer une expression contemporaine du donjon et que son ancienneté rendait plus décente. « Ce sont plutôt les retraits !» On redescendit. Dans une grande salle, on leur montra la fenêtre du jeune homme pauvre et l'arbre aux branches duquel il s'accrocha. « Et qu'on ose nier maintenant l'influence du roman !» s'écria Siegfried. « On ne sait rien, ou presque rien, des sires de Malestroit, ou des de Rieu qui vécurent ici. Mais parce qu'il a plu à un romancier de placer la scène d'un de ses romans à Elven, de faire précipiter son héros par une fenêtre du donjon, voilà que cette imagination prend corps et se perpétue. C'est comme la tour du lépreux à Aoste et la grotte de Porthos à Belle-Île et peut-être bien d'autres choses que nous prenons tranquillement pour de l'histoire. On fut de retour au bourg juste à temps pour monter dans l'omnibus de la gare. 2 voyageurs y étaient déjà installés, un monsieur à l'air important muni d'une sacoche de cuir et un prêtre. Le premier s'engagea bientôt dans une discussion politique. D'après lui, le candidat de l'opposition faisait courir le bruit que le Suisse, en grand costume, armé de sa hallebarde, s'était promené de commune en commune pour empêcher son élection. « Les dates !» s'écriait le porteur de sacoche. « Il faut des dates pour prouver des accusations de ce genre. Je demande les dates, car enfin, si c'était après les élections que le Suisse a fait ses démarches, hein, n'est-il pas vrai ?»« Sans doute, » répondait le prêtre, « c'est comme l'histoire du séminaire. » « Eh bien quoi ? Le supérieur amenait les séminaristes voter tous ensemble. Où est le mal? Parce qu'ils marchaient en rang deux par deux? Et s'ils avaient marché trois par trois, qu'est-ce qu'on aurait dit, je vous le demande? Le prêtre fit un geste évasif, trouvant sans doute que des considérations politiques de cette force demandaient à être examinées plus à loisir. Le bonhomme de l'omnibus avait horriblement agacé Madame Thouvenin. En revanche, il avait beaucoup amusé Emmanuel qui riait encore aux larmes à l'idée de la tournée électorale du Suisse, la hallebarde sur l'épaule, l'épée lui battant les mollets. Inutile de dire qu'il ne croyait pas le moins du monde à cette histoire. Siegfried se taisait. Il était demeuré très silencieux tout l'après-midi. Emmanuel voulut savoir à quoi il pensait. « Oh, poule piquet !» dit Madame Thouvenin, encore froissée de l'attention qu'il avait donnée à l'histoire du petit apprenti. « Oh, poule piquet, oui, madame !» répondit gravement Siegfried. Il poursuivit sans s'adresser précisément à personne et comme parlant à lui-même. N'est-ce pas étrange, cette persistance de l'idée d'une race de nains dans les récits populaires? Ne pourrait-on pas être conduit à supposer que des hommes de petite taille ont jadis habité certains points du globe, que, traqués, poursuivis par des envahisseurs, ils se cachaient dans les antres, dans des demeures souterraines? Transmise par la tradition, leur histoire n'aura pas tardé à être dénaturée par l'imagination des conteurs et aura pris la forme légendaire. Ces petits hommes sont devenus des nains, puis des poulpiquets et des korrigans, comme les filles des druides réfugiées dans les forêts sont devenues des lavandières de nuit. Que de questions intéressantes on éluciderait si l'on pouvait pénétrer le secret du passé. Comme on était arrivé à Vannes, Siegfried dut s'interrompre, ce qu'il fit avec une bonne grâce d'autant plus grande que, s'il mettait le point final à ses réflexions parlées, il n'en continuait pas moins mentalement la course commencée sur un de ses dadas favoris. Plus que toute autre ville de Bretagne, Vannes tient à conserver les souvenirs du passé. Elle entretient les vieilles maisons, elle les garantit de la vétusté. C'est dans la ville haute qu'on retrouve les rues entières bordées de maisons en pans de bois, avec étages surplombant les uns sur les autres. Quelques-unes, comme celle de la rue Noé, offrent des personnages grotesques, sortant à mi-corps des angles et faisant signe aux gens d'en face. D'autres portent des inscriptions. La matinée suffit à nos voyageurs pour visiter la ville, sa cathédrale, le faubourg de Saint-Paterne et son église située en dehors des remparts, le reste des remparts, la tour du Connétable, la promenade de la Garenne qui s'élève en amphithéâtre à droite de l'Oust et où furent fusillés un certain nombre d'émigrés de Quiberon en 1793. De là, ils dominaient la rivière bordée de laveuses qui, avec leurs robes noires, leurs coiffes sévères, donnaient l'idée d'un couvent faisant sa lessive. Dans l'après-midi, Siegfried retourna seul au musée archéologique établi par la Société polymathique du Morbihan dans la tour du Connétable. Emmanuel et sa mère se promenèrent sur le port, sur la promenade de la Rabine plantée de peupliers et qui s'étend jusqu'à la butte de Quérino au fond du golfe du Morbihan. Ils finirent par prendre le bateau à vapeur qui mène à la petite île de Conlo, la première que l'on rencontre dans le golfe et où la population vannetaise vient prendre des bains de mer. L'eau vaseuse de Conlo ne leur donna pas envie de se baigner. Ils errèrent çà et là au milieu des chalets, passèrent en barque dans une autre petite île d'où ils découvrirent un coin du golfe. Comme ce serait joli de faire le tour du Morbihan, de la petite mer, aux îles aussi nombreuses que les jours de l'année. Cela ne te plairait-il pas, mère ? Tout ce qui plaisait à son fils lui plaisait. Le soir, elle arrêta une barque pour le lendemain.